Yvonne Godeau. Le merveilleux et difficile métier de comédien. Conférence originale lue par Françoise Lévesque. Bien que j'aie beaucoup fréquenté les femmes savantes de Molière, où j'ai joué successivement trois rôles, je n'en suis pas devenue une. Et ce n'est pas une causerie grave et didactique sur le théâtre que je vais vous faire. Il sera question ici du théâtre à travers l'expérience que j'en ai faite. Cela m'entraînera obligatoirement à vous parler de moi. Veuillez m'en excuser, mais l'abstraction n'est pas mon fort. Et il m'a toujours semblé plus honnête de parler avec simplicité de ce qu'on a expérimenté que savamment de ce que l'on suppose. Avant d'aborder notre sujet, je vais vous avouer que j'ai le trac. Parler de trac est d'ailleurs un bon préliminaire quand il s'agit de théâtre. Les Anglais appellent cela poétiquement des papillons dans l'estomac. Mais cela fait tout de même très mal. Je sais par expérience qu'il existe aussi un trac du spectateur. Il arrive tout content au théâtre. Il s'assied dans une salle où il ne connaît personne, à moins qu'il n'y connaisse trop de monde. Le siège est dur, il n'a pas de place pour ses jambes et subitement il se demande « Mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? J'étais si bien chez moi !» Pour peu que l'acteur en coulisses pense la même chose en même temps, la confrontation sera difficile. Lorsque j'étais une petite fille, je me suis trouvée un jour en présence d'un chien qui me sembla gigantesque et m'effraya terriblement. Je lui dis « N'aie pas peur, je ne te mordrai pas. » Eh bien, c'est un peu comme cela que je vais procéder avec vous. Le théâtre est un échange. Un rendez-vous d'amour, une communion. Alors je vous en prie, n'ayez pas peur, n'ayez pas le trac, je ne vous mordrai pas. Je vais essayer de vous initier à la pratique du métier de comédien. Je vais répondre à beaucoup de questions qui m'ont été posées au cours de ma carrière. Je vais vous parler de nos rapports avec le monde extérieur, de notre vie au sein du théâtre, vous raconter des histoires concernant de grands acteurs disparus auprès de qui j'ai eu la joie d'exercer mon métier. Tout cela, j'espère, vous fera entrer dans ce monde de féerie qu'est le théâtre et vous le fera aimer de façon un tout petit peu plus éclairée, comme nous l'aimons, nous autres comédiens. Entendons-nous bien. Il s'agira du grand métier de théâtre, de celui qui prend racine dans la tradition et se nourrit de textes écrits traitant du cas de l'homme. Vous ne savez pas toujours pourquoi vous allez au théâtre. Beaucoup y cherchent des idées nouvelles, un plaisir esthétique, pensent y suivre un mode d'évolution du langage, parachever ou entretenir leur culture. Cela est vrai d'ailleurs. Mais bien peu savent qu'ils essaient tout simplement de remonter le temps, d'être silencieux comme on l'est dans l'enfance, quand on assiste au spectacle du monde sans y être encore impliqué. Au théâtre, on voit les autres vivre, on les voit être ce qu'on sera, ou bien on rit de ce qu'il ne faut pas être. Et c'est cela aussi, le métier de comédien. C'est non seulement sur scène donner la vie à des abstractions, à des types, à des caractères, mais c'est, dans la salle, réveiller des âmes d'enfants qui se sont oubliées. C'est un des côtés magiques de la profession, celui qui consiste à dispenser aux spectateurs un bien-être mental et spirituel. Les journalistes pose toujours cette question. Pourquoi avez-vous fait du théâtre? Mais il est impossible de les faire entrer dans ce domaine intime et délicat. Le pourquoi de ce qu'il est convenu d'appeler pompeusement la naissance d'une vocation. C'est par là que je vais commencer avec vous. Et pour cela, je vais vous raconter une histoire. Cela se passe aux Indes. D'après la Vedanta, qui est la philosophie des hindous basée sur les Upanishads, l'état de veille est aussi irréel que celui du rêve. Un bûcheron fut réveillé un jour par un importun au milieu d'un beau rêve. « Pourquoi m'avoir réveillé ? » s'écrie-t-il avec regret. « J'étais roi et père de 7 enfants. Ils étaient tous versés dans des sciences différentes. Assis sur un trône, je régnais sur mon pays. J'étais si heureux. Pourquoi m'avoir réveillé ?»« Cela n'a aucune importance, » répondit l'importun. « Ce n'était qu'un rêve. » « Fou que tu es !» s'écria le bûcheron. « Ne comprends-tu pas que j'étais roi, aussi réellement que je suis bûcheron ? Car s'il est vrai que je suis bûcheron, il est également vrai que j'étais roi. Eh bien voilà une des raisons pour lesquelles je suis devenue comédienne. C'est parce que j'aimais rêver, que je croyais autant au domaine du rêve qu'à celui de veille. Et que, comme le bûcheron, j'aimais rêver que j'étais ce que je n'étais pas. Mais pourquoi ne l'étais-je pas ? Par erreur, comme dirait Figaro. Et par une erreur qui, grâce au théâtre, allait devenir miraculeusement réparable. Sur les bancs du lycée, un professeur de français me fit découvrir en 6e qu'on pouvait pleurer d'amour pour un amour qui nous était tout à fait étranger. Je l'entendais déclamer d'une voix tremblante « Rodrigue, qui l'eût cru ? Chimène, qui l'eût dit ?» Son émotion se communiquait à mon tendre cœur et nous pleurions toutes deux bientôt d'énormes larmes. Sous l'œil, je dois le dire, très surpris et indifférent de la classe. Nous avions réinventé le contact scène publique. Elle avait été, sans le savoir, la parfaite interprète, moi, le parfait spectateur. Quand le spectateur s'identifie, il est déjà comédien. D'ailleurs, nous sommes tous un peu comédiens, puisque tous et plusieurs fois par jour, nous sommes en proie à des sentiments excessifs, qu'ils soient de joie, de colère, de douleur ou d'amour, auxquels nous nous identifions dans un instant parfois très court, et que nous oublions avec la même rapidité. Ce qui différencie le comédien des autres hommes, c'est qu'il aime se regarder dans le temps où il s'identifie et que cela devient un jeu. Le comédien est sans le savoir philosophe, puisqu'il n'attache à la variation anarchique et perpétuelle des sentiments humains que la valeur relative d'un jeu. Quand nous allons exercer notre métier, nous disons que nous allons jouer. Le métier de théâtre est la seule profession qui emploie cette expression. Il est vrai que des esprits chagrins disent aussi qu'on ne joue pas toujours pour s'amuser. Donc, première raison, m'identifier à ce que je n'étais pas, mais que j'aurais pu être. Les premières approches des personnages sont extrêmement douloureuses. Des implications personnelles interviennent avec une grande violence. On déborde de soi-même. Et c'est le rôle des répétitions d'apaiser ces énormes tourments, d'aider à les maîtriser. On en devient témoin, on prend sa marge nécessaire de distance et le personnage l'emporte. Quand on en arrive là, cela fonctionne bien. C'est parce que Diderot n'était pas acteur qu'il a conçu, je crois, son paradoxe. L'acteur est obligatoirement sensibilisé par l'action et le drame qu'il a à représenter. Mais il est amené à en élargir les limites, à l'universaliser, non à en faire sa petite histoire. Pour la seconde raison, je vais aussi vous raconter une histoire. Il y a quelques mois, je reçus dans ma loge de la rue Richelieu un très ancien camarade que j'avais perdu de vue depuis mon adolescence. Après l'effusion des retrouvailles, je le fis asseoir. Et il me demanda de façon saugrenue « Est-ce que vous croyez toujours à la métempsychose ?» Comme je semblais très étonnée, il enchaîna « Quand vous aviez 20 ans, vous y croyiez et vous prétendiez que les émotions vous faisaient toujours mal au cou, que vous y portiez les mains en geste de protection et que c'était certainement parce qu'on vous avait décapité sous la Révolution. » J'éclatai de rire et lui répondis « C'était une singularité de jeunesse. Les émotions ne me font plus porter les mains à mon cou, mais mon métier est là pour prouver que je crois toujours à la métempsychose. Je ne sais si j'ai subi les affres de la Révolution dans une vie antérieure, mais ce dont je suis certaine, c'est d'avoir, au cours de celle-ci, enjambé allègrement espace et temps, survolé les siècles et les frontières. Il y a un petit poisson des mers tropicales qui, pour échapper à son ennemi, a eu l'astuce naturelle de se faire pousser des ailes. Eh bien, ceux qui veulent faire du théâtre ont un ennemi intime et sous-marin qui est le sens aigu de leur limitation. Le métier de théâtre qui permet de sortir de cette limitation est, si vous le voulez, l'équivalent des ailes du petit poisson. Grâce à ces ailes, je devrais dire, par le pouvoir de leur grâce, j'ai été, avec Lope de Vega, espagnol du siècle d'or. Avec Shakespeare et Sheridan, anglaise du siècle élisabétain. Et de la fin du XVIIIe avec Tourguenieff et Tchekhov, russe du XIXe et du début du XXe siècle. Avec Molière, Marivaux, Beaumarchais, Musset, Hugo et bien d'autres encore, française de toute l'histoire de France et de Navarre, j'ai porté le Hénin grâce à Maurice Rostand. J'ai été suisse de l'époque de Guillaume Tell. J'ai été grec avec Sophocle. J'ai vécu sous la Renaissance italienne. J'ai parlé en scène des langues que je n'avais jamais apprises, l'anglais, le russe, l'espagnol, et cela grâce à Feydeau et à Jacques Deval. Je me suis réincarnée un nombre vertigineux de fois en un temps record. Ce désir de vivre mille vies a été ma seconde raison de faire du théâtre. La troisième raison, il y en a probablement d'autres, mais je m'arrêterai à la troisième, est très paradoxale. Cette troisième raison a été une énorme, étouffante, incommensurable, il n'y a pas assez d'adjectifs, timidité. Comment être à la hauteur d'une ambition si multiforme quand on est une jeune personne quasiment muette? Quand on y pense, on sombre dans un mutisme plus profond encore, qui est chargé de désespoir. Alors, il faut trouver un biais pour en sortir. Ce biais m'a été offert et généreusement par les poètes. Dans une pièce de Guitry, La Jalousie, un auteur très médiocre compose à haute voix un roman feuilleton. Il le dicte à sa secrétaire, arrive au chapitre d'un enterrement, reste à court d'idées et en désespoir de cause dit « Bon, eh bien, prenez donc l'enterrement dans Maupassant. Inutile de chercher autre chose, on ne peut pas faire mieux. » Ma vie n'a pas été un roman feuilleton. Mais comme ce mauvais auteur, je me suis dit « Tu veux être vivante, tu veux aimer, pleurer et rire. Cherche donc chez les dramaturges de talent. » Cette solution si simple m'a comblée. Impossible en effet de faire mieux qu'eux en matière d'esprit, de séduction, de cœur et d'expression verbale. Cette façon de procéder présente en outre un énorme avantage, très exploité par les sales gosses. Mais tout le monde sait que les comédiens sont des enfants. J'ai fait des bêtises en scène, C'est pas moi, c'est lui. Et on montre du doigt l'auteur de la pièce. Merveilleuse impunité de l'interprète. Un jour, au conservatoire, je jouais une scène devant mon maître qui était alors Louis Jouvet. Et je la jouais fort mal. Excédé, il sauta sur le podium et me dit « Qu'est-ce que tu fabriques aujourd'hui? Tu es à foutre par les fenêtres. » Excusez-moi, mais c'est une expression très employée au théâtre. Je répondis « Maître, je n'ose pas, je suis timide. » Il me regarda d'un œil féroce et cria à la cantonade « Tu m'ennuies avec ta timidité !» Son expression était beaucoup plus vigoureuse. « Est-ce que tu crois que moi, je ne suis pas timide ? Je ne veux pas entendre parler de timidité ici !» Jouvet, le grand directeur de théâtre, la vedette de cinéma, le maître au conservatoire, Jouvet était timide. Ne tirez pas de conclusion hâtive des aveux que je viens de vous faire. Pour être comédien, il ne suffit pas d'être imaginatif, un peu mégalomane et timide. Il faut aussi beaucoup travailler. Le théâtre est un métier artistique, mais c'est aussi un métier artisanal qui exige d'être appris. On doit savoir écarrir un texte avec autant de finesse, de précision, de fermeté et de prudence qu'un ébéniste s'applique à travailler le bois. On ne s'improvise pas acteur de théâtre. Le théâtre ne peut être abordé et poursuivi qu'avec une persévérance laborieuse et un effort de longue haleine. Comment faites-vous pour la mémoire et le lieu commun par lequel le comédien est le plus assailli quand il se mêle au public? Or, la mémoire est ce qui nous préoccupe le moins. Comme des écoliers, nous faisons du par cœur, avec tout ce que cela a de fastidieux, mais qui devient si rapidement et si parfaitement mécanique que nous ne sommes trahis par un trou que si nous sommes souffrants ou déconcentrés. Or, c'est très rare qu'un acteur, un vrai, se déconcentre. Il est toujours branché sur la situation à défendre. Ce verbe « défendre » vous dira assez que le théâtre est un métier de courage. Le texte est très logiquement amené par le développement de la situation à défendre. Notre mémoire, qui dans un premier temps est mécanique, est en fin de compte principalement affective. Personne, en revanche, ne nous demande jamais « comment faites-vous pour vous faire entendre ?» Or, c'est une discipline beaucoup plus compliquée que celle de la mémoire. Si on n'a pas la chance d'avoir une voix naturellement placée, c'est un gros travail qu'il faut faire pour l'acquérir. Plus importante encore que la pose de voix est l'articulation. Quand on vient me demander des leçons de diction, voilà ce que cela donne. Vous avez une papeterie dans votre quartier? Oui. Alors, vous achèterez un crayon de bois. Vous le mettrez entre vos dents. Et vous lirez tous les jours à haute voix jusqu'à ce que vos lèvres deviennent en bois comme le crayon. Je vous préviens, ça fait très mal. Vous ferez une articulation parfaite qui ne vous aura coûté que le prix de votre crayon. Évidemment, il faut que celui-ci soit dans ce sens-là et non dans celui-ci. Démonstration. S'il est comme ceci, vous obtiendrez une articulation extrêmement large, en tirelire, du plus curieux effet, qui vous déplace la voix. S'il est comme cela, au contraire, vous obtenez une technique si minutieuse que vous pouvez pratiquement parler sans ouvrir la bouche. De plus, comme cet exercice bouche close fait beaucoup travailler la langue, cela vous permet, quand votre dentiste vous ordonne de rester la bouche ouverte, de lui faire un discours de protestation. Et je vous assure qu'il comprendra très bien. Bref, le crayon est un objet remarquable et j'ai dû en faire vendre beaucoup depuis le début de ma carrière. Quand vous avez appris à placer votre voix, à articuler, il vous reste à apprendre à respirer. Et ce n'est pas une petite affaire. Sarah Bernard disait des vers allongés sur un tapis avec des dictionnaires sur le ventre. La respiration doit être en effet abdominale ou prise dans la région des basses-côtes. Si vous respirez d'en haut, vous vous essoufflerez et n'irez pas au bout d'un vers. Sauf si c'est un vers de 4 pieds, ce qui est à la portée de tout le monde. La respiration est une discipline très subtile. Elle n'est nullement mécanique, mais psychologique et rythmique. C'est elle qui harmonise le texte et fait chanter l'écriture de l'auteur. On ne respire pas Molière comme on respire Musset. On ne respire pas un personnage dramatique comme un personnage léger. En fait, on ne peut interpréter un texte que lorsqu'on a obtenu de soi une respiration adaptée à ce texte. Mais cette respiration ne se trouve que lorsqu'on a glissé au cœur même du personnage et qu'on a assimilé le mode d'expression de l'auteur à travers ce personnage. Vous voyez, ce n'est pas si simple. Jean Lumière, qui maintenant est mort, mais a été une très grande vedette de la chanson, parlait à peu près en ces termes des problèmes de la voix et de la respiration qui sont naturellement intimement liés. La science, dit-il en substance, consiste à faire tenir le souffle comme une colonne ou un jet d'eau et à laisser tourner le son dans la tête comme une balle avec laquelle jouerait le jet d'eau. Le son est donné plus par les résonateurs que par les cordes, et c'est le souffle qui l'anime comme il doit l'être. Bien, récapitulons. Quand vous avez appris à faire du par cœur, à articuler, à respirer, il vous reste à apprendre beaucoup de choses. Mais je ne suis pas venue vous faire un cours de technique. Ce serait fastidieux pour vous et pas forcément drôle pour moi. Je vais abréger et passer à l'étape qui consiste à savoir se tenir en scène, à y être chez soi, à y avoir une attitude sans affectation et parfaitement adaptée à la nature de la situation et du personnage. Pour cela, les exercices de décontraction sont absolument nécessaires. Il faut, pour endosser la peau d'un autre, vider la sienne, s'en retirer comme on enlève sa main d'un gant, la laisser souple, s'oublier totalement soi-même et ne réintégrer son corps qu'avec un comportement qui n'est plus du tout le sien propre. Cela est vrai particulièrement dans les personnages dits de composition. Mais il y a toujours une part de composition dans un personnage, si près qu'il semble être de votre nature. J'arrive insensiblement à la partie la plus importante de notre métier, qui est l'interprétation. Mais avant d'en venir là, je vais vous parler de ce par quoi j'aurais dû commencer. Le don. Le don, c'est d'abord, me semble-t-il, une grande puissance d'imagination et d'observation. Celle-ci s'exerçant non seulement sur le monde extérieur, mais surtout sur le monde de l'esprit et du cœur. C'est une intuition psychologique. Nous touchons là des domaines secrets qui n'ont que faire, en premier chef, de l'intelligence, mais sont tout pétris d'adhésions sensibles. Ensuite, le don, c'est ce que nous appelons la présence. La présence est un rayonnement qui n'a rien à voir avec la jeunesse ou la beauté et qui force l'attention du public, lui impose la sympathie. Ce rayonnement vient de la qualité profonde de l'être et cette qualité intéresse parce qu'elle est mise soudain en lumière par l'intervention de la fiction. La présence, c'est aussi savoir regarder et écouter. Être constamment attentif, branché sur l'action, comme je vous le disais tout à l'heure. Enfin, le don, c'est une force de persuasion peu commune qui fait admettre au public des choses parfois tout à fait insensées. Et le secret de cette persuasion est une totale sincérité au service d'une grande invention personnelle. J'ai vu par exemple Madame Segond Weber, fort âgée à l'époque, sortir de scène dans Rodogune au pas de l'oie, un pas fort cadencé, ce qui n'est pas une façon habituelle de marcher pour une vieille dame. Et la salle était debout et hurlait d'admiration. Quand vous avez longuement travaillé les divers éléments qui sont les outils dont vous aurez à vous servir, il faut en coordonner l'action. Et puis, en dernier ressort, il faut faire abstraction de tout. C'est un cap difficile à franchir que celui-là. Quand on l'a passé, on commence seulement à comprendre de quelle complexe mixture est faite le talent. En fait, on pourrait paraphraser le mot célèbre d'Édouard Herriot sur la culture en disant que la technique au théâtre et ce qui reste quand on a tout oublié. Maintenant que je vous ai un peu expliqué pourquoi et comment on devient comédien, je vais vous faire entrer dans la pratique du métier. Quand vous lisez une pièce qu'on vous a destinée, c'est qu'un metteur en scène vous y a distribué. Il y a tout un trafic de distribution dont je vous ferai grâce. Il faudrait entrer là dans des détails de politique professionnelle. Je vous laisserai donc vos illusions et essaierai de garder les miennes en vous disant, comptant toujours à ce qu'on appelle la distribution idéale, qui s'avère toujours irréalisable. Je vais vous raconter une autre histoire qui mettra en lumière le fait que le metteur en scène a cependant, parfois, une conception très élastique de la dite distribution idéale. Il y a une quinzaine d'années, j'allais voir mon administrateur de l'époque, qui était Maurice Escande, et qui m'annonça qu'on remontait une pièce et qu'un de mes bons camarades m'y avait distribué. Je téléphonai à celui-ci pour le remercier, et quelle ne fut pas ma surprise de l'entendre me répondre « Mais c'est absurde, Escande a confondu. D'ailleurs, ce n'est pas ton intérêt, cela va te faire changer d'emploi. » Après ça, on ne t'imaginera plus que dans les vieilles noix. En plus, j'ai promis le rôle à quelqu'un d'autre. Je répondis, n'en parlons plus. Faisons comme si Escande ne m'avait rien dit. Le lendemain, coup de téléphone de notre metteur en scène. Tu as raison, c'est toi qui dois jouer la pièce. J'ai bien réfléchi, tu as raison. À quoi je réponds, ça m'ennuie beaucoup de t'avoir involontairement influencé. De quoi vais-je avoir l'air vis-à-vis de notre camarade ? Il ne voulut plus en démordre et je fus obligée de m'expliquer franchement de l'incident avec celle qui avait été évincée. Elle me dit mélancoliquement « Oui, il prétend que j'ai tort de vouloir jouer les jeunes femmes. On ne veut pas me voir dans les jeunes femmes. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Moi qui m'étais entendu répondre, ça va te marquer. On ne t'imaginera plus que dans les vieilles noix. Pour compléter l'histoire, je dois ajouter que ma camarade a 3 ans de moins que moi. Le metteur en scène est de plus en plus souverain. Hélas. Je vais essayer de vous le décrire dans la limite où nous le situons, nous autres les comédiens. Limites auxquelles, s'il était modeste, il saurait se tenir. C'est lui qui donne le ton général à l'interprétation, qui confère au spectacle un style, qui en oriente l'intensité. Il reconçoit la pièce et la transpose dans une couleur et un rythme qui correspondent à sa nature. Mais si c'est un véritable metteur en scène, un homme authentique, comme disait Dulin, et qui ne cède pas au chiquet de l'époque, ayant bien choisi ses comédiens, il sait déjà, avant d'avoir fait son travail d'orchestration, comment ils évolueront intimement, et il pressent l'harmonie qu'il pourra tirer de leur accord mutuel. Je n'ai pas du tout le culte du metteur en scène. C'est souvent un bourreau qui vous fait inutilement souffrir, ou bien c'est un magicien qui vous ensorcelle de paroles et vous égare. Le vrai metteur en scène. Parce qu'avant de vous détruire la race, je m'empresse de vous dire qu'il en existe encore, heureusement, quelques-uns. Le bon metteur en scène est un homme modeste. Il écoute parler l'auteur. Il écoute aussi ses interprètes. Il éclaire le chemin avec une petite lanterne et aide l'acteur à progresser patiemment dans la pénombre et les tâtonnements douloureux de son travail de symbiose. Le bon metteur en scène est comme le bon comédien. Il sait regarder, être attentif. Souvent, l'acteur se voit libéré d'une difficulté d'interprétation parce que son guide lui offre une certaine qualité de silence. Derrière ces grands metteurs en scène, appréciés des comédiens, vient la catégorie des commentateurs. Cela parle naturellement beaucoup. Une pièce se répète environ 3 mois. Quand, pendant 3 mois, 4, 5 et parfois 6 heures par jour, vous parlez du même sujet, vous finissez par faire un perfectionnisme parfaitement inutile, et même par vous contredire. Vous égarez complètement le malheureux acteur, obligez lui, pendant ce temps, de s'intérioriser pour sécréter la substance de sa nouvelle existence, comme l'araignée sécrète celle de sa toile. Parlez à côté d'une araignée, vous verrez ce qu'elle fera. Elle se mettra en boule et rentrera les pattes. Or, le comédien en répétition a besoin de sortir ses pattes, d'appréhender le monde extérieur où il va vivre, en même temps qu'il le construit de l'intérieur. Après ces metteurs en scène que j'appelle de seconde catégorie, viennent, très loin derrière, ceux pour qui la pièce n'est qu'un prétexte et qui cherchent à tout prix à faire un travail original. Mettre en scène leur donne l'occasion de libérer leurs fantasmes. Les grands auteurs, qui sont grands parce qu'ils ont su universaliser leur esprit, supportent mal d'être passés à la petite moulinette des complexes de la partialité ou d'un esprit de chapelle. L'acteur se voit donc astreint à un travail rétrécissant dont il sait presque toujours que le résultat sera sottement ennuyeux. Cependant, ils sont, ces metteurs en scène, les uns après les autres à la mode et, comme la mode, ils se démodent. À moins qu'en cours de route, ils n'apprennent leur métier, ne commencent à aimer plus les comédiens et les auteurs qu'eux-mêmes et ne mettent de l'eau dans le vin de leurs intentions baroques, ce qui arrive parfois. Jouvet, qui faisait autant profession de metteur en scène que d'acteur, n'a pas hésité à écrire. L'art de plaire au théâtre, c'est l'art de faire des pièces. C'est ensuite, et bien au-dessous de ce sommet, l'art de les monter et de les jouer. Quant à Dulin, il a écrit du métier de la mise en scène. C'est un bon chef de service à qui il ne faut pas laisser prendre trop d'initiatives. Son rôle est de surveiller les manœuvres et d'apporter l'aide de ses connaissances et de son expérience à la mise en valeur du drame. C'est l'assistant du poète, et non son égal. Quand vous avez pris contact avec le metteur en scène, que vous en soyez content ou pas, il faut, comme on dit, faire avec ce qu'on a. Vous vous mettez à la besogne. Pour ma part, j'apprends aussi vite que possible le texte. Mais si j'arrive au théâtre le texte su, j'y arrive aussi la tête vide. Je prends les places, je fais mes trajets, je prends appui sur l'œil des partenaires, je guette leurs réactions, j'essaie d'y assujettir les miennes. Tout cela se fait brochure en main. Lorsqu'on prend ses contacts, c'est la période d'incubation. Un personnage vous travaille toujours un peu comme une maladie. On est tiraillé violemment par des forces adverses. Assez mal dans sa peau. Puis, on bascule soudain dans l'univers du personnage et tout devient simple. À partir de ce moment, on se laisse porter. On est dans un état flottant. On rêve les yeux ouverts. Pas question de lâcher un instant le rôle. On redit inlassablement le texte. On travaille les intonations subtiles. On répète les chevilles maîtresses où les sentiments prennent des virages difficiles. Tout cela fait qu'on parle tout seul dans la rue ou au volant de sa voiture. On se met à mener une double vie tout intérieure et absolument délicieuse pour soi, pas forcément pour les autres. Pendant que je répétais la station Champbaudet en proie à un moment de communion euphorique avec Madame Champbaudet, je chantais à tue-tête en conduisant dans les rues de Paris. C'était une très jolie chanson de Guy Bontempelli et Françoise Dorin. Au feu rouge, une dame frappa du doigt son front de façon explicite et me dit « Ça va mal, hein ?»« Ben non, pas du tout. Ça allait très bien. » En disant que j'arrive au théâtre le texte su et la tête vide, ne croyez pas que je prône un système de travail adapté spécialement aux imbéciles. Nous avons tout loisir d'exercer notre sens critique et psychologique dans un théâtre de répertoire comme le Théâtre français. Mais le fruit que l'expérience m'a fait assez rapidement récolter a été l'humilité. On peut avoir des idées sublimes, originales et personnelles sur un personnage et fort mal le jouer. D'où ma politique du bouchon, comme disait le peintre Renoir, qui devait connaître le même genre de problème avec sa peinture. On fait rarement ce qu'on veut d'un personnage. C'est lui qui vous broie, vous modèle, vous porte et vous conquiert. Pendant que par solidarité professionnelle, vous essayez d'adapter votre jeu à celui de l'équipe, le sournois vous investit, vous mène là où il veut, mais à condition que vous puissiez l'y suivre. D'où la nécessité d'une parfaite technique. Faute de maîtrise, vous serez à tout coup battu et distancé. Notre métier est aussi sportif. Il requiert un très bon équilibre psychique, physique et nerveux. Plus vous serez fort et bien entraîné, plus vous aurez de chances de suivre ces gens qui peuplent le répertoire et ont tous des dimensions hors nature. Car le théâtre n'est pas la vie, il en est la transposition sublimée. On ne peut commencer à prendre les dimensions des personnages que lorsqu'on répète sur le plateau. Le plateau sur lequel nous servirons notre travail au public. Car nous sommes les serviteurs de cette masse humaine. Ce monstre, disait Shakespeare, qui a des milliers d'yeux et d'oreilles et qui nous attend dans l'ombre. Ce monstre que nous essayons d'apprivoiser et craignons. Le plateau, sans décor, sans éclairage, peut sembler un endroit lugubre. Pourtant, même dans la nudité, un plateau a une ambiance à lui, des odeurs qui lui sont propres. Il est pour nous le temple de l'inspiration, le lieu où ruissellera la lumière. La lumière nous est dispensée grâce au jeu d'orgue. L'origine de l'expression « jeu d'orgue » n'a cependant rien de religieux. À l'époque où on éclairait les théâtres au gaz, le gaz arrivait dans des tuyaux disposés un peu comme ceux des orgues. Nous jouons entre cour et jardin. Les machinistes s'appellent respectivement des courriers ou des jardiniers. N'est-ce pas charmant? Dans un endroit où on ne prend jamais l'air. Comme au début d'une carrière, on a de la peine à se souvenir où est la cour et où est le jardin, on vous dit « Mets-toi dans la salle et pense à Jésus-Christ. J-C. Essayez. » Ou bien « Mets-toi sur le plateau, regarde la salle, la cour est du côté du cœur. » Voilà l'origine de notre cour et jardin. À l'époque de la royauté, la loge du roi était à la droite de l'acteur, celle de la reine à sa gauche. Pour déplacer un décor, les machinistes disaient alors « poussez au roi » et « portez à la reine ». La révolution arriva, et il fut interdit d'employer ces mots séditieux. On se régla alors sur la position qu'occupait aux Tuileries le théâtre qui avait successivement servi à l'opéra, à la Comédie-Française et au théâtre de Monsieur. Ce théâtre était situé entre le jardin et la cour du palais. La droite de l'acteur se trouvait dans le sens du jardin, sa gauche dans le sens de la cour. On adopta ces dénominations qui furent valables dans tous les théâtres. Les éléments de décor s'appellent des fermes, des feuilles ou des feuillures. Il m'est arrivé dernièrement d'entendre dans un spectacle où je devais accrocher une chaise sur une feuillure, Jean-Laurent Cochet dire « C'est à ce moment-là que la chaise s'envole vers la ferme. » La ferme, en effet, remontait au cintre. Vous voyez, nous sommes en pleine poésie. Beaucoup de termes de théâtre sont issus du vocabulaire marin, et cela parce que les charpentiers qui construisaient les théâtres construisaient davantage encore de bateaux. On ne monte pas un décor au cintre, on l'appuie. Quand on le descend, on dit qu'on le charge. Les châssis de coulisses sont guindés sur des mâts, etc. En marge de ce vocabulaire marin, nous avons un langage professionnel très elliptique. Les titres des pièces sont toujours écourtés. C'est un code facile à comprendre, mais qui est une source d'effets comiques. Quand vous voyez affiché en répétition « Mademoiselle Paul Noël toute nue », vous avez beau savoir qu'il s'agit de la pièce de Feydeau, mais ne te promène donc pas toute nue, cela vous réjouit. Surtout si vous êtes un jeune premier. Je vais vous raconter une petite histoire qui semble grivoise, mais qui est fort innocente. On avait télégraphié autrefois à un sociétaire qui vivait sur la Côte d'Azur. C'était, je crois, Georges Bert. De venir jouer le mariage de Figaro de Beaumarchais et le baiser de Théodore de Banville. Il répondit par télégramme « Peu baiser, mariage impossible ». Les répétitions nous conduisent toujours à une première représentation qui n'est pas obligatoirement sanctionnée par la critique, mais qui nous angoisse énormément. Ces jours-là, on souhaite que le théâtre brûle. Dans les premiers mois où j'étais au Théâtre Français, on m'avait distribué « Junie » de Britannicus. J'étais très insuffisante dans le rôle, je le savais. Et la distribution autour de moi était médiocre. Je le savais aussi. Pendant 8 jours, j'imaginais le théâtre ravagé par les flammes. Au moment d'entrer en scène, dans ma tunique virginale, et avant que Néron puisse lancer méchamment son « Vous vous troublez, madame » et changer de visage, mon visage en effet changea, et je fus fort troublée, car le jeu d'orgue sous lequel je me tenais, avant d'entrer en scène, prit feu. On baissa le rideau, on évacua salle et comédien. Je vous jure solennellement que je n'avais pas mis d'allumettes, mais je fus tout prêt ce soir-là de me croire plus douée d'un don de sorcellerie que d'un don de comédie, en tout cas de tragédie. Ce n'était qu'une simple prise de rôle. Parlons maintenant des générales. Nous y arrivons chauffés à blanc et plus morts que vifs. C'est une cérémonie quasi rituelle qu'une générale. Nous venons très tôt au théâtre. Nous déballons des monceaux de fleurs. Nous recevons des lettres, des télégrammes, des petits cadeaux. Tout cela nous fait un peu avaler la pilule. Je parle du trac. Il est rare qu'un incident du type de celui qui perturba le legs de Marivaux se produise. Et à ce titre, il mérite d'être raconté. On avait engagé à la Comédie Française Philippine Pascal, fille du baron de Rothschild, qui jouait, ironie du sort à cette époque, les soubrettes. Jacques Cérès, son fiancé, qui montait le legs, lui avait distribué Lisette. À l'heure prévue, on lève le rideau. À la fin de la première scène, je devais remonter au fond du décor et dire « Tiens, voilà Lisette !» Comme convenu, je monte à la porte du fond et je dis « Tiens, voilà Lisette !» Un peu surprise toutefois de ne pas voir Lisette à la place qu'elle aurait dû occuper. Optimiste, j'appelais à la cantonade. « Lisette ! Lisette ! Lisette !» Pendant que le régisseur me faisait des gestes d'homme en train de se noyer, je dus convenir que Lisette manquait gravement son entrée, car le régisseur me cria sur le souffle « Elle n'est pas prête !» Je descendis au trou du souffleur et lui murmurai pudiquement « Rideau !» On baissa le rideau, et il fallut attendre, pour recommencer le spectacle, que Lisette ait fini d'être à sa toilette, comme on dit dans le répertoire. Expression qui ne s'applique d'ailleurs jamais aux soubrettes. J'ai, d'une autre générale, un souvenir aussi frappant. Il s'agit donc le Vania de Tchekhov. Jean Marchat jouait le mari très capricieux et pleurnicheur d'une jeune femme insatisfaite qui m'avait été distribuée. Pendant les répétitions, Marchat, qui était très occupé à l'époque, négligea d'apprendre son texte, qui d'ailleurs était assez court. Une demi-heure avant le lever du rideau, je le trouvais en coulisses écrivant, sa brochure posée devant lui. Il me dit en clignant de l'œil, « Je recopie mon texte pour essayer de l'apprendre. » Je fus prise de panique. Eh bien, j'avais tort. Il prit tout au souffleur. Cela rendit très véridique les contorsions boudeuses du personnage, ses airs méfiants d'enfant gâté. Il fut absolument désopilant, et c'est lui, le monstre, qui ramassa tout, comme on dit en jargon de théâtre. Dédoublé, j'assistais à son repêchage au trou du souffleur, et le parti qu'il en tirait était si grandiose que je lui pardonnais sur le champ son manque d'esprit de corps. J'ai beaucoup joué Célimène avec Jean Marchat. Un jour, il décida d'abandonner le misanthrope, et comme un admirateur lui demandait pourquoi, il répondit « Quand Alceste ne peut plus se mettre aux genoux de Célimène, il doit renoncer au personnage. » j'évoque le misanthrope et cela m'offre l'occasion de rendre un modeste hommage à Jean de Bucourt, qui est l'homme pour qui je crois avoir eu le plus d'admiration professionnelle. J'ai longtemps interprété Eliante quand il jouait Philinte. Eliante, c'est peu de choses. C'est un rôle de débutante. Mais quand on a la chance d'être courtisé par un acteur se nommant de Bucourt, on est une comédienne heureuse. Je l'écoutais jouer avec les alexandrins, les modeler, les casser, les enchaîner, les rendre souples, vivants, sans pour autant leur faire perdre ni grâce ni style. Et j'étais comblée de gratitude. J'apprenais mon métier auprès d'un grand acteur. Il continuait au cours des représentations, sans jamais se laisser annexer par l'habitude, à malaxer son texte en douceur, à en extraire toujours d'autres sucs. Il donnait l'impression d'être amoureux de la langue française. Et c'était une espèce de virtuose. Il tenait souvent des petits rôles, mais c'est par eux, me semble-t-il, qu'il atteignait le sommet de son art. Il donnait à la plus chétive créature une dimension supérieure. Pourtant, il traitait chacun de ses personnages avec une ironie, une distanciation, comme on dit aujourd'hui, qui faisait naître le sourire. Mais un sourire jamais grinçant, ni condescendant. Un sourire tendre. On dit que Voltaire rendait intelligent ses interlocuteurs. De Bucourt, lui, rendait son auditoire plus humain et sensible. Ce modèle de perfection faisait pourtant de temps en temps une farce en scène. Dans « Monsieur le Trouadec saisi par la débauche » de Jules Romain, où il était incomparable, le sublime vieillard, dit un personnage de la pièce, et de Bucourt était vraiment ce sublime vieillard, il mit à rude épreuve un soir le sérieux de son partenaire. Celui-ci, qui est un officier en retraite un peu braque, comme tous les personnages de la pièce, lui dit « Génie là-dedans, Archimède, Parmentier, Napoléon, Raspail, Pasteur. » De Bucourt lui glissa « Changez à Barbès !» Il est pour moi à l'origine d'un souvenir cuisant d'interview avec Pierre Dumayet. Il m'avait dirigé dans Chatterton de Vigny et me demanda d'aller parler de la pièce à la radio. J'étais très jeune, très impressionnable, et je crois bien avoir dit un peu n'importe quoi. Peu satisfait de ce qu'il obtenait de moi, Dumayet m'interrogea sur Pierre Fresnay, auprès de qui j'avais eu l'émotion de tourner dans « Monsieur Vincent ». Je dis à Pierre Dumayet que ce qui m'avait le plus frappé chez Pierre Fresnay, c'est qu'il ne faisait rien. Au théâtre, cela veut dire qu'on use d'un maximum de sobriété, mais Dumayet ne devait pas connaître le sens professionnel de cette phrase, car il prit une expression dubitative à l'égard de mon intelligence. Cette aventure m'a sensibilisé à jamais à l'égard des journalistes et des interviews. Je dois reconnaître que mon commentaire était peu explicite. Le mystère de Fresnay était grand pour moi à l'époque. Je voyais un monsieur froid, muré dans un univers hermétiquement clos. Il mastiquait son texte de façon mécanique, l'œil ailleurs, et cela durant tous les temps morts, ces interminables temps d'attente de la journée de studio. Quand le film sortit, on ne vit que lui à l'écran. Il était bouleversant. Mais, découpé en rondelles au cours des prises de vue, ses interventions me déroutaient par leur simplicité même et cette discipline sans charme qu'il s'imposait et dont il ne faisait pas mystère. Il était l'illustration parfaite de la technique maîtrisée au profit des sentiments et de la situation. Si Pierre Fresnay était peu communicatif, Aimé Clarion, lui, l'était très fort. Il se disait gitan, sans qu'on ait pu vérifier la chose. Il était né acteur. Il fit une magnifique carrière et sa carrière, il la poursuivait à la ville. Il eut fière allure un soir à l'Élysée. Nous allions à l'époque plusieurs fois par an jouer pour le président de la République et ses hôtes. Ce soir-là, nous jouions l'ours de Tchekhov. L'assistante officielle fut particulièrement guindée. Et le spectacle se déroula avec, pour fond sonore, des chasses d'eau qu'on tire. Ce qui n'était pas prévu par Tchekhov. Le vestiaire et les toilettes étaient en effet attenants à la scène. Clarion, Chamara et moi n'eûmes droit qu'à des applaudissements de politesse. Et nous nous retrouvâmes consternés au vestiaire, toujours dans les bruits de chasse d'eau. Dans ce vestiaire, le chef du protocole avait fait dresser une table pour nous. Clarion, au comble de l'indignation, embrassa d'un œil courroucé le repas servi et dit à la cantonade, de son attendrissante et célèbre voix détimbrée, « Malheureusement, je ne peux pas faire d'imitation. Mes petits enfants, vous ferez ce que vous voudrez, mais moi, je ne prendrai rien. Je n'ai pas l'habitude de souper au ch... » Impossible de répéter ici ce gros mot. Naturellement, tout le monde le suivit. Et la comédie française ne fut plus jamais servie au vestiaire de l'Élysée. Une autre aventure de réception est, je crois, assez exceptionnelle pour que je vous la raconte. J'étais au Caire, avec une tournée semi-officielle. L'ambassadeur et sa femme firent en notre honneur une réception à l'ambassade. Les tournées nous font ainsi souvent passer de réception en réception, dont certaines n'offrent à nos appétits que des repas insuffisants, car les comédiens, sans en avoir l'air, sont des travailleurs de force. Sensibilisé par cette habitude qui fait perdre et regretter celle des vrais repas, le régisseur de la troupe, en entrant dans le salon, dit étourdiment, en voyant le buffet, un buffet superbe, « J'ai l'impression qu'ici, on va encore la sauter. » Madame l'ambassadrice se retourna, posa sur lui un œil où s'ouvrait un abîme de surprise et d'incompréhension. Et notre régisseur, très vieille France, s'inclina avec une volonté de courtoisie et de distinction en disant, comble d'horreur, « La sauter, je ne dis pas ça pour vous, madame l'ambassadrice. » Puisqu'il est question de nos rapports avec le monde, je vais vous faire témoin d'une correspondance qui me permettra de faire un peu de psychologie. Difficile de faire une causerie sur le théâtre sans y parler d'un personnage. En 1966, je reçus une lettre d'une étudiante de l'Université de Bologne qui préparait une thèse sur la Parisienne d'Henri Beck. Un certain monsieur Arnautovitch, spécialiste de Beck, ayant lu la mise en scène de Raymond Jérôme où je jouais Clotilde, lui avait conseillé de s'adresser à moi. Je devrais, lui dit-il, être un guide sûr pour elle. Je répondis à l'italienne par la lettre que voici, qui vous fera témoin du travail de réflexion que fait le comédien quand il a accouché d'un personnage. J'ai essayé de ne pas perdre de vue que Clotilde est la femme d'un petit fonctionnaire. Elle évolue dans un milieu médiocre. C'est une célimène, si on la situe théâtralement parmi les coquettes. Mais c'est une célimène que le sort a placée assez bas dans la hiérarchie sociale. Elle est, à mon avis, essentiellement positive. C'est une physique, à qui le physique ne fait jamais perdre la tête. Elle est conformiste et considère comme essentiel que chaque chose reste à sa place, ainsi que chacun. Elle est ambitieuse, mais son ambition, comme sa coquetterie, vole bas. Elle se fixe des buts faciles à atteindre. Elle est réaliste et ne tombe jamais dans le bovarisme. C'est une femme de forte santé, aussi bien physique que mentale. Elle a des besoins et ne manque pas d'imagination pour les satisfaire. Mais ses appétits ne sont encombrés ni de rêveries ni de scrupules, ni de remords, ni de passion. Elle est égoïste, amorale, inconsciente. Et c'est pourtant une femme de tête, qui a de son devoir une conception très rigoriste. Ce devoir se borne à assurer à son mari un confort domestique et à son ménage une apparence de respectabilité. Toute chose qui lui apporte en retour une sécurité sur le plan social. Mais cela établi et devant être préservé, elle n'entend pas renoncer à ce qui est son goût du jeu et de la chasse, auquel elle se livre avec une dissimulation qui confine à la perversité. Sans tendresse ni complaisance à l'égard de Clotilde, Beck en a fait un personnage fort, et par cela même essentiellement vivant. Toutes les apparentes contradictions sont permises, car elles prennent naissance dans une énorme vitalité. Clotilde est une somme, c'est la femme. Ce n'est pas la femme idéale, mais c'est la femme d'une certaine société. Elle est femme mariée, mère, amante. Il lui arrive d'être ingénue, d'être désarmée, et c'est pourtant le cerveau du ménage, le bourreau de l'amant. Elle est souvent délicate et fine, mais elle se complaît aussi dans une certaine vulgarité et rit avec délice aux grivoiseries. Étant un grand caractère, Clotilde est autant d'aujourd'hui que d'hier. Elle réalise plus parfaitement son destin et organise mieux son univers dans une société qui permet l'oisiveté à la femme, car c'est un des points très importants. Elle est oisive, or c'est une remuante. Sans doute ne serait-elle ni plus ni moins gâtée de nos jours par ses conquêtes. Elle n'est pas vénale, intéressée seulement par la réussite sociale du mari, qui est sa couverture autant que sa stabilité. Ce n'est pas une aventurière, un grand fauve, non. C'est une petite bourgeoise, gourmande et curieuse. La lettre continue sur des considérations générales sur la pièce, les réactions du public, etc., dont je vous fais grâce. 6 mois plus tard, alors que je n'y pensais plus, je reçus des nouvelles de ma correspondante. « J'ai terminé mon travail et soutenu ma thèse de doctorat, me disait-elle. J'avais mis votre lettre à la fin, comme une espèce de commentaire général, sur l'interprétation actuelle de la pièce. L'idée a été très bien accueillie. Le doyen de l'université a voulu lui-même lire votre lettre, qu'il a appréciée et louée publiquement. On m'a donné une très belle note. Inutile de vous dire que j'ai ramassé pieusement ces miettes d'un doctorat et ses lettres. Le théâtre ouvre des perspectives flatteuses, débouche parfois sur le succès et transporte certains à la gloire. Mais il ne faut pas ignorer qu'il fait vivre l'acteur dans un monde clos et besogneux, qui n'est pas toujours un monde de fiction. Un spectacle est le résultat d'un travail intensif et d'efforts conjugués. Des équipes d'artisans, bien rodées aux disciplines de la scène, sont d'importants facteurs de réussite. La précision est pour tous de rigueur, de même que la coordination d'un jeu en coulisses. Jeu qui est conduit par le réalisateur du spectacle et auquel tous les membres du plateau prennent part, animé par des directeurs de scène et des régisseurs. La vie de l'acteur est là aussi, dans cet antre sombre où s'agitent machinistes, électriciens, accessoiristes, habilleuses, tapissiers, et j'en oublie, et où s'enchevêtrent les portants. Je devrais dire que la plus grande partie de la vie de l'acteur est là. Elle est faite de trac, d'attente, de concentration, de réflexion, de doute. Entrer en scène, c'est faire un saut hors de soi-même, hors du temps, dans un espace éclaté de lumière et qui laisse l'acteur suspendu devant quelque chose qui est un peu un gouffre, le trou noir de la salle. L'œil d'un partenaire qui vous regarde à ce moment et partage votre aventure et d'un secours inestimable. Il faut savoir ce qu'est le vertige de se trouver devant le trou du souffleur avec pour seule pâture d'évasion un poème à dire, pour mesurer la solidarité qui existe dans l'action dramatique. Le souffleur est le personnage dont on parle le moins et qui pourtant intrigue beaucoup le public. Son rôle est en effet fort important dans les théâtres d'alternance. Mais hélas, les metteurs en scène et les décorateurs le relèguent maintenant en coulisses. Il est la sécurité de notre mémoire. Cela lui laisse de faux loisirs. Sachant qu'il n'aura qu'exceptionnellement à intervenir, il est astreint à suivre phrase par phrase le texte, son attention étant perpétuellement en éveil. À une époque où elle faisait beaucoup de cinéma, René Faure jouait Les Mal-aimés de François Mauriac. Quand la pièce commence, le personnage est en scène sur un canapé. René Faure, fatigué par une journée de studio, s'était allongé sur le canapé et endormi avant le spectacle. Elle eut juste le temps de se secouer pendant que se levait le rideau et commença précipitamment le Caprice de Musset, qu'elle jouait aussi à l'époque. Elle dit « Encore un point et j'ai fini », ce qui était un lapsus révélateur de son désir de rentrer chez elle, mais aussi la première réplique de Mathilde du Caprice. Bien entendu, le souffleur sauva très rapidement la situation. Je pourrais vous parler des heures encore du théâtre. Le théâtre, un univers. S'il grouille de tentatives malheureuses, de recherches qui semblent vaines, d'erreurs, c'est la preuve même de sa vie et de son éternelle jeunesse. Dès l'adolescence, je me suis dirigée, au-delà des tâtonnements de l'époque, vers les sommets, dont j'ai gravi péniblement les pentes, pour tenter de m'approcher de la haute région où brillent les classiques, ces talents que le temps ne détruira plus. Le théâtre est une école prodigieuse de vie, où on n'est jamais assez brillant élève. Comme le Monsieur Test de Paul Valéry, le comédien pourrait dire « C'est ce que je porte d'inconnu à moi-même qui me fait moi. » Le métier de théâtre est une quête vers un inconnu à soi-même, qui ne demande qu'à naître au jour. Monsieur Test dit encore « Je m'immole intérieurement à ce que je voudrais être. » Eh bien, faire du théâtre, c'est s'immoler, et d'un petit tas de cendres, faire sortir l'image d'un être recréé, celui que souvent nous voudrions être. D'inspiration religieuse à l'origine, le théâtre s'est dépouillé depuis fort longtemps de son caractère mystique, mais il n'en reste pas moins un acte de foi. Contrairement à certaines professions dont on dit en plaisantant « elles mènent à tout à condition d'en sortir », je vous dirais « ils mènent à tout à condition d'y entrer ». Ils mènent à tout puisqu'il permet de tout vivre. Voici une citation d'Arnaud Desjardins qui me semble s'ajuster avec facilité à la philosophie d'action de comédien. Arnaud Desjardins dit « être et avoir, être ou avoir, voilà la question fondamentale dont dépendent toutes les autres. » Certes, l'opposition de l'être et de l'avoir est le vieux cheval de bataille des philosophes. Mais ce dont je parle n'a rien à faire avec les systèmes philosophiques. Il s'agit d'une réalité vitale. Être, c'est être libre de l'avoir sous toutes ses formes, détaché, disponible, pour se tourner vers les autres, sans désir et sans crainte. Le comédien, dans l'exercice de son métier, s'applique simplement à être. Il reste disponible. Le monde qu'il recrée ne lui appartient en aucune façon, pas plus que sa personnalité qu'il transforme, son physique qu'il maquille, ses faux bijoux, ses perruques, les amours qu'il manifeste sur scène, les maisons qu'il fait semblant d'habiter. Inconsciemment peut-être, mais dans ce domaine de la réalité vitale dont parle Arnaud Desjardins, le comédien cherche à tendre vers l'expansion et la croissance. Pour conclure, car il faut bien que nous nous quittions, je me servirai de deux citations empruntées à des répliques de pièces de Pirandello, le grand poète dramaturge de l'illusion. Dans Six personnages en quête d'auteur, il dit « La nature se sert de l'imagination humaine pour continuer sur un plan plus élevé sa création. » Eh bien, je pense que le comédien entre parfaitement dans le jeu de la nature. Et il le fait, comme le dit encore Pirandello, et cette citation est tirée de Henri IV, tout en sachant que c'est un rêve, afin de mieux savourer le bonheur privilégié qui lui est donné, de ne rien faire d'autre ici que de vivre ce rêve si loin de nous et cependant présent. Il ne suffit pas d'avoir vécu un événement pour pouvoir le décrire, il faut aussi l'oublier, pour en retrouver en soi-même, longtemps après, l'image vraie et la couleur éternelle, a écrit Rainer Maria Rilke. Jouer un rôle, c'est vivre un événement à l'échelle de soi-même, sans plus. Mais il est bien difficile de décrire un personnage quand on l'incarne. Il faut en effet l'oublier pour en retrouver l'image vraie et peut-être la couleur éternelle. Je vais faire avec vous une promenade dans le répertoire où il m'a été donné de vivre. En me promenant, je vais parler beaucoup. Et pour essayer de ne pas vous ennuyer, vous n'êtes pas là pour ça, je vais me servir du mode confidentiel. Ce n'est pas en effet un cours de psychologie que je me propose de vous faire, bien que je sois obligatoirement amenée à faire beaucoup de psychologie. Mon sujet exigeant que je développe l'évolution d'une comédienne à travers les personnages que les divers âges de la vie lui ont fait successivement interpréter. Pierre Teilhard de Chardin a écrit « Chaque existence individuelle fidèlement menée et jonchée de coques abandonnées par nos successives métamorphoses. Et l'univers tout entier laisse derrière lui une longue série d'états où il eut peut-être aimé se complaire, mais dont la nécessité impitoyable de grandir l'a continuellement arraché. » Eh bien, la nécessité impitoyable du comédien n'est pas forcément de grandir, mais de vieillir. Ne croyez pas que pour le plaisir de faire cette belle citation de Teilhard de Chardin, je vous entraîne dans une série de réflexions désabusées, non. J'essaierai au contraire de vous faire des confidences gaies. Le théâtre n'est pas un jeu triste et, pour reprendre la comparaison de Teilhard de Chardin, les coques abandonnées, que sont les rôles que nous ne pouvons plus interpréter, ressemblent davantage à des poupées russes laquées de couleurs brillantes, qu'à des noix éventrées sous un arbre qui a perdu ses feuilles. Nous commencerons d'ailleurs notre promenade par les ingénues, donc par le printemps. Je venais d'entrer au conservatoire quand Dulin téléphona à Jouvet pour savoir s'il n'avait pas dans sa classe une petite susceptible de jouer Marianne de l'Avare. Jouvet donna mon nom. Je devenais, en l'espace d'un instant, cette denrée fragile et combien périssable qu'est un acteur. C'est à dessein que je ne dis pas une actrice. L'actrice est une dame d'un âge incertain, couverte de fards, de bijoux, de gloire, de scandales, de soie, de fourrure et de plumes, et je crois que la race en a été pratiquement exterminée par la guerre de 40. Maintenant, on ne devient pas une actrice, On entre dans la grande famille des acteurs. Famille souvent nécessiteuse, hélas. On peut dire aussi qu'on devient comédienne, mais le terme est équivoque et suspect. Instantanément, plus personne ne vous croit. Être comédienne, c'est inventer, c'est tricher avec les sentiments. Le dictionnaire dit même que c'est mentir. Jouvet venait de me prendre par les épaules pour me pousser dans le monde du spectacle, et j'allais y voir le jour en commençant par jouer une pièce de celui qui devait devenir mon patron. Je parle de Molière. Je fis connaissance avec Dulin, avec l'avare. Je déchiffrais péniblement le texte en présence d'un directeur que la recommandation de son ami Jouvet avait favorablement influencé, heureusement pour moi, et je devins sur le champ pensionnaire de la troupe. L'avare est une pièce où abondent les passions mauvaises. Harpagon est fou d'argent. Valère est un intendant sans scrupules. Frosine est une maquerelle. Les valets sont des paresseux. Maître Jacques est assez lâche. L'amour naît cependant au milieu de tout cela, mais un amour prêt pour trouver des solutions satisfaisant ses fins, à se défendre comme une bête féroce. L'avare est une pièce féroce. Pour un être jeune, en quête de ce qu'est le genre humain, c'était un bon baptême du feu. Dulin fut pour moi d'emblée une grande leçon de théâtre. Depuis 30 ans, j'ai vu des avares chafouins et rétrécis sur leur névrose de possession. J'ai vu des avares odieux, violents et jaloux. Avares non seulement d'argent, mais de cœur. Des avares ridicules et drôles dans leurs excès caricaturaux et guignolesques. Des vicieux paillards aussi avides de chair fraîche que de valeurs sonnantes. Des acteurs même qui réussissaient à allier assez bien beaucoup de ces aspects conjugués. Mais je n'ai plus jamais vu d'avare comme Dulin. Attaché à sa cassette par une pitoyable, naïve, voluptueuse tendresse. Il vous serrait le cœur. Mais l'instant d'après, il avait l'air d'un vieux loup prêt à tuer. Sa passion était misérable, sensuelle et sauvage. Il vous amenait d'abord à la pitié. On croyait à sa détresse et soudain, on avait froid dans le dos. On s'était bien laissé avoir. Il était d'une duplicité telle que d'innombrables perspectives s'ouvraient sur le personnage comme renvoyé par des glaces à facettes. Marianne est-elle une ingénue? Non, pas plus qu'Élise, l'autre jeune fille de la pièce. Elles sont toutes deux mûries précocement. Élise est orpheline de mère, Marianne orpheline de père. En tout cas, elle est élevée comme telle. Ayant perdu son père à la suite d'un naufrage et d'un enlèvement par les barbaresques. Le siècle de Molière était comme le nôtre, une époque de kidnapping, hélas. Mais chez Molière, cela se terminait toujours par des retrouvailles romanesques. Marianne est une petite personne d'expérience qui a l'esprit trempé, comme on dit en parlant de l'acier. Si j'ai commencé par elle, c'est parce que c'est le premier personnage que j'ai essayé d'interpréter. Je dis bien « essayer », car je crois que la seule réplique où j'ai pu mettre un sentiment vrai était « Mon Dieu, Frosine, quelle figure !» Exclamation qui échappe à Marianne quand elle fait connaissance avec Harpagon, que Frosine est chargée de lui présenter comme un éventuel mari. À peine avais-je commencé à jouer l'avare, que Dulin décida de monter Mamouret, une pièce de Jean Sarment. C'était le nom et l'histoire d'une centenaire qui fêtait l'événement de ses 100 ans entourée de ses descendants. La pièce était une fresque paysanne truculente et sensible. Dulin m'y distribua le rôle d'une des arrières petites filles, la plus aimée de Mamouret. Cette Mamouret ayant eu un grand amour clandestin dans sa jeunesse, Marie-Jo, qui était le personnage que je devais interpréter, était d'une souche moins paysanne que le reste de la famille. Elle descendait en effet d'un fils adultérin. C'était une créature douce qui s'éprenait d'un dompteur de cirque de passage dans le pays. C'était à peu de choses près la propre histoire de son arrière-grand-mère. Celle-ci facilitait l'enlèvement. C'était suranné, grinçant et très amusant. La pièce se passait en Loire-Atlantique, dont Jean Serment, l'auteur, est originaire. Moi aussi. J'étais très proche de la petite musique intérieure de Marie-Jo, et nous avions les mêmes racines. Je sortais de mes cours du conservatoire, avalais un repas de guerre à la cantine et accourais, légère, au théâtre de Monsieur Dulin. J'avais tout à fait conscience que faire partie de sa troupe était un très grand privilège. J'adorais arriver la première et m'y appliquais chaque jour. Scène et salle étaient plongées dans l'obscurité. Seule une lampe baladeuse diffusait une faible lumière. J'ouvrais les narines et humais l'odeur de mon nouveau terroir. Les coulisses, indéfinissable odeur de poussière, de poudre, de phare, de colle aussi. Je m'imprégnais d'un monde inconnu où rôdaient de grandes ombres d'acteurs et d'actrices. J'étais au théâtre de Paris, le théâtre de Réjeanne. Son portrait par Nadar présidait à la vie de la loge de Monsieur Dulin. J'écoutais aussi le silence de cet énorme coquillage doublement ouvert en face et au-dessus de moi, la conque magique dont parle Cocteau. La salle était encore chaude de la représentation de la veille. Elle était d'un rouge profond, une sorte de matrice où allait grandir ce dont je devais accoucher, ma petite Marie-Jo. Je construisis avec amour et mes modestes moyens de débutante une Marie-Jo que je voulus sans faille. Ce fut ma première générale. Je m'y présentais comme un fort anthème, la tête enflée immodérément de mon sujet. Celui-ci était pourtant fort mince. J'avais d'abord de courtes répliques au sein du groupe familial. Je m'appliquais, je faisais de mon mieux. Puis arrivait une scène duo. Le premier rendez-vous avec le dompteur. J'ouvrais clandestinement une porte, me trouvais dehors au clair de lune, ma robe bleue virait au vert, c'était ravissant. Je disais mon nom, répondais comme une gourde à l'interrogatoire que m'infligeait mon séducteur, très sûr de lui. Je poussais des soupirs, me dandinais sottement d'un pied sur l'autre, levait les yeux vers la lune et disait de façon embarrassée « Il fait frais !» La salle gentiment se tordait de rire. Je sortis sous les applaudissements, emportés par la petite musique et la tournette qui étaient deux des charmes de la mise en scène de Dulin, et me retrouvai en coulisses, profondément mortifié. Autour de moi, je découvris les visages épanouis de certains de mes camarades. « Ça marche bien pour vous, » me dit l'un d'eux. Avec anxiété, j'interrogeais « Mais alors pourquoi rit-il ? » « Parce que ça leur plaît. » C'était un nouveau mystère de théâtre que n'avaient pas soupçonné mes rêveries préliminaires, complètement dépourvues d'humour. Je découvrais que le public pouvait rire de l'embarras d'un personnage qui lui plaisait. Dulin, qui tenait à l'authenticité, c'était un de ses mots favoris, s'était bien gardé de me faire soupçonner la chose. Il était à la fois trop respectueux de la sincérité et trop malin pour risquer de la compromettre. Que le public rit de ma naïveté, de ma sincérité, ne tarda pas à me plaire. Bien que faisant toujours tendrement route commune avec Marie-Jo, je pris l'habitude de la regarder d'un peu haut, comme une petite sœur née longtemps après moi. Ce n'est qu'à partir de ce moment que je devins comédienne, le métier impliquant un dédoublement qui vous fait témoin autant qu'acteur. Du théâtre de la Grande Réjeanne, Dulin passa au théâtre de la Grande Sarah Bernard. De Marie-Jo, la paysanne, je passais, moi, à un rôle de reine, la jeune épouse de Philippe V d'Espagne. Je devenais petite nièce de Louis XIV. Quelle promotion! La pièce s'appelait « La princesse des Ursins ». Elle était de Simone Jolivet, amie de Dulin et cousine de Jean-Paul Sartre. Je poursuivais dans une cour guindée une très chétive vie. J'étais dévorée par les écrouelles. C'est le nom qu'on donnait autrefois à une tuberculose ganglionnaire du cou. Et j'étais détruite également par les appétits sexuels de mon jeune mari. Ces inconvénients conjugués faisaient que je mourais. Ce mari insatiable et royal était Jacques Castelot. Il avait le nez bourbonien et de la branche, comme on disait alors des acteurs distingués. La cour de Philippe V, recréée par Dulin, dont les moyens financiers étaient médiocres, manqua certainement de splendeur. La pièce était sans doute assez faible. Les acteurs la défendirent peut-être mal. Bref, la presse fut défavorable et le succès du public se fit attendre. Nous eûmes tendance à n'être pas assez convaincus, Castelot et moi, du drame historique que nous vivions. Un courrier arrivait de France. Il s'appelait le chevalier du bourg, et dans la bouche de Castelot, il se transforma en chevalier du four. Le four désignant au théâtre les désastres financiers, ce qui était le cas, ou du petit four, ou du V-four, un soir où l'assistance était plus brillante. J'étais, comme toute jeune comédienne, sujette au fou rire, et Castelot avait en moi un public très supérieur en qualité à celui de la salle, qui d'ailleurs n'était pas là pour rire. Dulin adorait les mouvements de foule qu'il savait très bien animer. Il avait fait s'agiter des fureurs populaires auxquelles nous assistions, Castelot et moi, impuissants et royaux, du balcon de notre palais. Il y avait dans cet embryon de révolution un Lituanien nouvellement arrivé de Lituanie. La troupe de Dulin était très pittoresque. Ce Lituanien apportait au débordement de la populace une sincérité surprenante. Il grimaçait, lacérait de ses ongles la pauvre chemise dont il était vêtu, s'écorchait la poitrine et sortait chaque soir de scène couvert de sang et de lambeaux. « Il est bien, ce petit !» disait impitoyablement Dulin en regardant couler le sang. La gesticulation muette et frénétique de ce faux Espagnol ajoutait beaucoup à ma bonne humeur naturelle. J'avais à peine 19 ans, mes fossettes se creusaient, mes épaules étaient secouées des soubresauts caractéristiques des fous rires retenus. J'en ai rétrospectivement honte, car le public n'était pas dupe. Mais, à la même époque, j'essayais cependant d'apprendre, dans une école officielle, je parle du conservatoire, à devenir une comédienne qui se respecte. Je côtoyais chez Dulin des gens prestigieux, Alain Cuny, au beau visage taillé à la serpe, Dufilot, qui venait de sortir du séminaire où il avait souhaité se faire moine, Reggiani, élève comme moi au conservatoire, Berthe Bovy, transfuge pour un temps du théâtre français, Jean-Louis Barrault, qui venait régulièrement voir le patron et se retremper à la source, Roger Blin, si terriblement timide, Jean Marais, dont la musculature éclatait dans les petits costumes de mauvaise qualité de l'avare. Il y jouait Cléonte. Dulin aimait les personnalités fortes et l'élément flottant et réceptif que j'étais alors ne pouvait que s'en enrichir. Pendant que j'apprenais la psychologie classique à travers les textes, je voyais vivre des adultes dont le comportement semblait irrationnel et fabuleux, et qui étaient des gens fabuleux. À peine j'avais mis le pied dans sa classe, Jouvet me fit travailler Agnès. J'en fus vexée. De même qu'on se reconnaît mal quand on se rencontre dans une glace au hasard des rues, je ne me reconnaissais pas pour ce que j'étais à l'époque. Une petite fille à la voix aussi blanche qu'elle avait l'esprit peu dégourdi. Agnès est la femelle à l'état pur, un jeune animal sans malice que seul l'instinct porte à agir apparemment comme une rusée. Contrairement à l'opinion reçue que l'expérience des uns ne sert pas aux autres, je pense que, Molière étant passé par là et quelques autres après lui, une jeune personne du XXe siècle est d'emblée convaincue intimement, contrairement à Agnès, qu'elle recèle des trésors de coquetterie et une puissance irrésistible de séduction. C'était mon cas. Je n'aimais pas Agnès, parce que je savais que je jouerais les grandes amoureuses. Agnès et son « petit chat est mort » m'agaçaient. Qu'est-ce que la mort du petit chat venait faire dans cette scène? C'était bien assez d'y parler de chemise et de coiffe. Tout cela me semblait bien gnangnan, quand je me sentais prête à dire avec un beau vibrato dramatique « Oui, nous nous aimons, père Dican !» ou avec une charmante agressivité « Mais encore une fois, de quoi vous mêlez-vous ? Pourquoi répondre de mes sentiments ?» Réplique respective, et que vous avez reconnue, de Camille, de « On ne badine pas avec l'amour », et de Sylvia, du « Jeu de l'amour et du hasard », que je fréquentais avant d'entrer au conservatoire. Alors pourquoi Jouvet s'amusait-il à me faire rétrograder dans la hiérarchie des valeurs ? La route s'éclaire souvent comme avec un phare arrière quand on la continue. Très vite, je devais être sensible à la force primitive et pure d'Agnès, à l'intelligence puissante de ses instincts, à la parfaite innocence de sa cruauté légitime. Mais quand je pensais ainsi, je n'étais plus une ingénue. Heureuse celle qui garde assez longtemps cet emploi pour jouir avec lucidité de ses fraîches et fortes ressources. Jouvet partit pour l'Amérique du Sud et fut remplacé par Denis Dinès, doyen du théâtre français. À son tour, il m'imposa les ingénues. Pourtant, d'Agnès la fruste, l'ignorante, je passais au monde élégant et cultivé de Musset, avec Cécile de « Il ne faut jurer de rien ». Cécile a lu Madame de Staël, du moins Valentin le suppose. Cécile a une petite teinture de philosophie et même de métaphysique. Quand Valentin lui demande « Dis-moi, s'il n'y a jamais eu un moment où tout fut créé, en vertu de quelle force ont-ils commencé à se mouvoir, ces mondes qui ne s'arrêteront jamais ?» Elle répond avec grande intelligence et profondeur « Par l'éternelle pensée. » Mais Cécile, bien qu'elle ait l'esprit discursif et éveillé, reste dupe du monde et des événements qui s'y trament. Elle est dupe par innocence. Cependant, c'est aussi cette innocence qui désarme Valentin et la fait gagner la partie. Mon innocence à moi consistait à l'époque à vouloir interpréter des personnages qui dirigent leur vie en toute connaissance de cause. Le temps en était venu, professionnellement parlant, et j'abordais Camille de « On ne badine pas avec l'amour » et Sylvia du « Jeu de l'amour et du hasard ». Il est curieux de constater que dans ces deux pièces d'hommes, les jeunes filles soient hantées par l'imperfection du mariage et la tutelle qu'il leur impose. Leurs craintes sont fondées sur l'expérience transmise par des aînés. Camille, éprise d'absolu, préfère le couvent à d'éventuelles trahisons. Elle évoque devant Perdican le ratage de la vie privée d'une de ses amies de couvent. Quand elle me parlait de son mariage, quand elle me peignait d'abord l'ivresse des premiers jours, puis la tranquillité des autres et comment enfin tout s'était envolé. Comme elle était assise le soir au coin du feu et lui, auprès de la fenêtre, sans se dire un seul mot. Comme leur amour avait langui et comme tous les efforts pour se rapprocher n'aboutissaient qu'à des querelles. Comme une figure étrangère est venue peu à peu se placer entre eux et se glisser dans leur souffrance. Perspective peu rassurante, évidemment. Quant à Sylvia, avant même d'avoir entrevu Dorante, elle fait une profession de foi sur le mariage qui donne la chair de poule. Les hommes ne se contrefont-ils pas, surtout quand ils ont de l'esprit? N'en ai-je pas vu, moi, qui paraissaient avec leurs amis les meilleurs gens du monde? C'est la douceur, la raison, l'enjouement même. Il n'y a pas jusqu'à leur physionomie qui ne soit garante de toutes les bonnes qualités qu'on leur trouve. Monsieur Untel a l'air d'un galant homme, d'un homme bien raisonnable, disait-on tous les jours d'Ergast. Aussi l'est-il, répondait-on. Je l'ai répondu moi-même. Sa physionomie ne vous ment pas d'un mot. Oui, fiez-vous-y à cette physionomie si douce, si prévenante, qui disparaît un quart d'heure après pour faire place à un visage sombre, brutal, farouche, qui devient l'effroi de toute une maison. Ergast s'est marié. Sa femme, ses enfants, ses domestiques ne lui connaissent encore que ce visage-là. Pendant qu'il promène partout ailleurs cette physionomie si aimable que nous lui voyons et qui n'est qu'un masque qu'il prend au sortir de chez lui. Sylvia et Camille seront toutes les deux prises au piège de l'amour. Camille partira battue, victime de son intransigeance, de la légèreté et de l'extrême jeunesse de Perdican. Sylvia, ayant épuisé tous les artifices de sa coquetterie et de son astuce, sortira gagnante du duel des sexes, où Dorante avait pensé au départ, comme le Valentin de « Il ne faut jurer de rien », être le maître. Nous sommes toujours à l'époque où les familles font les mariages. Camille n'a guère de raison d'avoir du respect pour son oncle, le baron, qui est un lunaire farfelu. Sylvia, bien qu'adorant son père, n'entend pas lui obéir aveuglément. Monsieur Orgon qui pense, a-t-on assez répété cette réplique, qu'il faut être un peu trop bon pour l'être assez, laisse à Sylvia le champ libre, lui permet de se déguiser en soubrette, mais il complique à plaisir les quiproquos qui l'obligeront à découvrir qu'elle aime. Quant à Camille, sa raison ne lui sert à rien. Le baron, du haut de son étourderie, a eu une vision beaucoup plus saine du destin qu'elle devait accomplir. Jouer Camille et Sylvia, c'est faire l'expérience théorique des tours pendables que vous jouent en effet le hasard et l'amour. C'est toucher du doigt l'effet corrupteur de l'orgueil qui pense devoir diriger la vie. Mais à 20 ans, on pleure avec volupté aux égarements d'une héroïne. Il ne serait pas question de discuter son comportement quand celui-ci est passé par le cœur, noyé de larmes de Musset, ou par le génie analytique de Marivaux. Une héroïne a toujours raison. La plus forte est cependant celle qui gagne. Sylvia, la gagnante, est plus réconfortante à interpréter. On en sort allègre et pimpante. La petite fontaine devant laquelle Camille joue sa vie est chargée d'eau trouble qui s'agite encore quand on a quitté le théâtre. Et c'est tout à fait normal. En effet, sans qu'elle le sache, La jeune comédienne a eu là l'occasion de purger deux tendances morbides. L'une, à travers le sadisme mutin de Sylvien, l'autre, à travers le sadomasochisme inquiet de Camille. Une conclusion euphorique chez Marivaux, l'absout et la libère. Une conclusion dramatique chez Musset lui laisse très mauvaise conscience. Elle paie alors cher le prix de son jeu à l'identification. Ces deux petites demoiselles aristocratiques et cérébrales m'aidèrent vaillamment à remporter deux premiers prix au conservatoire. Je fus convoquée par René Rocher, alors directeur de l'Odéon, qui me fit entrer dans sa troupe. Rocher me fit débuter dans Henriette, des femmes savantes. Henriette est la fille cadette d'un ménage bourgeois, cossu, et dont les deux conjoints sont très mal assortis. Je devais également très rapidement interpréter Armande, la fille aînée. Et il est amusant d'établir un parallèle entre l'aînée et la cadette. Vous n'ignorez pas, naturellement, la rivalité sentimentale qui oppose les deux sœurs. Elles sont toutes deux amoureuses de Clitandre. Celui-ci a d'abord courtisé Armande, qui l'a pris de très haut, puis il s'est laissé attendrir par le charme simple et le naturel d'Henriette. Contrairement au hérisson dont parle le jardinier de Giraudoux dans Électre, Clitandre est un monsieur qui n'aime pas traverser la rue pour aller faire sa cour. C'est dans la maison même d'Armande qu'il trouve une nouvelle amoureuse. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Armande est une névrosée, alors qu'Henriette est l'équilibre même. Armande semble avoir mal supporté la discordance du ménage de ses parents. Elle a pris totalement le parti de Philaminte. Henriette, elle, a assumé les conflits, comme on dit aujourd'hui, avec bonne humeur et santé. Henriette est l'heureuse synthèse des natures respectives de ses géniteurs. Elle a la volonté de sa mère, sa détermination et le bon sens, la décontraction de son père. En elle, l'intelligence, les instincts et le cœur s'accordent parfaitement. Si Philaminte était moins murée dans son autorité, elle pourrait beaucoup apprendre de cette seconde fille dont l'humeur est tempérée de tendresse et qui est fine, sans ostentation. Elle est même capable, cette Henriette, de donner à la fin du cinquième acte un très joli exemple de renoncement philosophique. Rien de moins philosophe, au contraire, que la très volontairement intellectuelle Armande. Elle n'est que l'ombre inquiète de Philaminte. Elle est d'autant plus tyrannisée par ses impulsions et ses instincts qu'elle veut plus s'en rendre maîtresse. Elle est, pour employer le vocabulaire de Philaminte, superbement et magnifiquement refoulée. Dans une petite tirade très significative, Molière choisit remarquablement son vocabulaire pour nous faire comprendre qu'il n'ignore rien du fatras encombrant de ce qu'à l'époque on n'appelait pas encore la libido refusée. « Appelez-vous, monsieur, être à vos vœux contraires, que de leur arracher ce qu'ils ont de vulgaire ?» Et vouloir les réduire à cette pureté où du parfait amour consiste la beauté ? Vous ne sauriez pour moi tenir votre pensée du commerce d'essence net et débarrassé ? Et vous ne goûtez point, dans ses plus doux appas, cette union des cœurs où les corps n'entrent pas ? Vous ne pouvez aimer que d'une amour grossière, qu'avec tout l'attirail des nœuds de la matière. Et pour nourrir les feux que chez vous on produit, il faut un mariage et tout ce qui s'ensuit. Etc. Il y a dans tout cela, comme il est facile d'en juger, beaucoup d'affaîtrie, de tarabiscotage. Elle est aveuglée sur elle-même, pas du tout consciente. C'est donc complètement désespérée qu'elle accordera à Clitandre trop tard ce que depuis longtemps il ne demande plus. L'amour d'Henriette est conduit par son cœur, celui d'Armande obsédé par le sexe, ce qui n'implique pas qu'on doive lui donner une interprétation relevant de la pornographie. Je jouais aussi à cette époque les ingénus comiques qui m'aidaient à faire imperceptiblement un chemin vers des personnages très émancipés, pleins de fantaisie, dont je ferai plus tard ma pâture. Les ingénus comiques ont l'esprit froid, l'œil avisé, le cœur difficile à émouvoir, mais aussi à combattre. Elles sont vivantes, rapides et dégourdies. Voyez-vous un peu, dans tout cela, comment un être, une comédienne, essaie de s'éprouver en tant que femme. Toute cette expérience vécue des autres, vécue à travers les autres, est un moyen d'autodéfense qui cherche à se fortifier dans les approches répétées et multiples d'une personnalité qui aimerait vivre sans trop souffrir. Ridicule illusion qui amène à souffrir pour des personnages et n'empêche nullement de s'écorcher partout. À la ville comme à la scène, Madame ou Mademoiselle X est habillée par, dit-on. Eh bien, là, je dirais, à la ville comme à la scène, Madame ou Mademoiselle X est habillée par les passions, car personne n'y échappe, si malin qu'il se croit. À moins d'avoir atteint un degré d'évolution qui n'est pas notre lot, à nous autres comédiens. François Mauriac, après les répétitions d'Asmodée, pièce avec laquelle il a fait connaissance intimement avec le monde du théâtre, a écrit « Pour la première fois, les êtres que j'imagine prennent corps. Oui, à la lettre. Ils empruntent un corps à des hommes et des femmes appelés acteurs qui le leur abandonnent pour quelques heures, comme ils le feraient d'un appartement désaffecté. Mais lorsque c'est fini et que leur corps leur est rendu, les acteurs ne le réintègrent pas aussitôt. Ce phénomène m'émeut, chez les femmes surtout. Dès la sortie de scène, quand elles se débarrassent de leur personnage, elles n'entrent pas en possession immédiate de leur moi. Il se passe un temps vague où j'observe ces visages encore dépossédés. Il semble que l'âme inconnue profite de cet intervalle entre le départ du personnage fictif et le retour du moi quotidien pour éclairer de sa lumière des yeux encore mouillés de pleurs, pour revêtir de sa paix auguste, dont l'aspect est presque terrible, les traits charmants d'une jeune femme. Magnifique et dangereux métier, qui consiste à se perdre, puis à se retrouver. Mais entre les deux états, quelques-uns d'entre eux en vivent un autre, à leur insu peut-être. Beaucoup ne se doutent pas qu'en poursuivant le but dérisoire que les auteurs leur proposent, il leur arrive de passer près d'un seuil redoutable que seuls les saints ont franchi. Mauriac a bien vu. Le but que nous proposent les auteurs est en effet dérisoire. Une toute petite évasion hors de nous-mêmes. Et nous passons près d'un seuil, dit-il. Celui des grandes évasions réservées aux saints. Mais nous ne le franchissons jamais, ce seuil. À peine réussissons-nous, grâce à l'expérience humaine que nous donnent les grands auteurs, à faire notre profit d'un des préceptes essentiels de la sagesse antique et éternelle, le « connais-toi toi-même ». Okay. Revenons aux ingénues. À cette époque des femmes savantes, je jouais aussi l'école des mères de Marivaux. La mère d'Angélique veut la marier à un monsieur très mûr qui se trouve être, sans que personne ne le sache, le père du jeune homme qu'Angélique aime. Angélique a été élevée de façon très stricte par sa mère, et ne trouve sa défense que dans une sincérité totale, mais très savamment dirigée. Je ne résiste pas au plaisir de vous en donner un exemple en lisant quelques répliques de la scène où Angélique s'oppose à Monsieur Damis le Barbon. « Enfin, charmante Angélique, lui dit-il, je peux donc, sans témoin, vous jurer une tendresse éternelle. Il est vrai que mon âge ne répond pas au vôtre. » Elle répond « Oui, il y a bien de la différence. » Monsieur Damis, cependant, on me flatte que vous acceptez ma main sans répugnance. Angélique, ma mère le dit. Et elle vous a permis de me le confirmer vous-même, reprend-il. Angélique, oui, mais on n'est pas obligé d'user des permissions qu'on a. Monsieur Damis, est-ce par modestie? Est-ce par dégoût que vous me refusez l'aveu que je demande? Angélique. Non, ce n'est pas par modestie. Monsieur Damis. Que me dites-vous là? C'est donc par dégoût? Vous ne répondez rien? Angélique. C'est que je suis polie. Etc. La scène continue sur ce ton et Monsieur Damis, à la fin, mordra la poussière. La sincérité, quand elle prend ce caractère stratégique, rejoint l'artifice. Et c'est un pont léger qui sépare cette scène de Marivaux de celle où Arsinoé et Célimène prétendent avec excès de prudence et de civilité s'ouvrir l'une l'autre les yeux sur leurs erreurs de comportement. Le cœur des ingénus n'est jamais assez pur qu'il ne puisse être déjà un peu rosse. Et c'est ce qui les rend plaisants à jouer et à voir jouer. Car, comme chacun sait, on ne fait pas de bon théâtre avec de bons sentiments. Beaumarchais le savait fort bien. Il dit « J'entreprends de frayer un nouveau chemin à cet art dont la loi première est peut-être la seule » et d'amuser en instruisant. Et il ajoute, « La fable est une comédie légère, et toute comédie n'est qu'un long apologue. » Il s'agit en effet, toujours, pour nous autres comédiens, d'apprendre à vivre en nous appuyant sur des apologues de grands auteurs et d'essayer, à notre tour, d'enseigner la vie aux autres, à condition qu'ils acceptent de n'être ni aveugles ni sourds. Lorsque Louis XVI vit représenter le mariage de Figaro de Beaumarchais, il se leva avec humeur et dit « Il faudrait détruire la Bastille pour que la représentation de cette pièce ne fût pas une inconséquence dangereuse. » Quand on me distribua la comtesse du mariage de Figaro, je venais de prendre la Bastille, je veux dire, je venais d'entrer à la Comédie-Française. Le théâtre français m'était toujours apparu comme une place forte, un bastion difficile à conquérir. Et voilà que ses portes s'étaient ouvertes et qu'à l'entrée m'attendait l'adorable Rosine. La comtesse est un personnage plein de grâce, presque enfantine encore. Elle est pourtant très noble et digne. Elle souffre très joliment de l'abandon du comte, son époux. Elle est très à fleur de peau, très coquette. Sans aucune ombre de cruauté, elle souhaite seulement qu'on l'aime. Et Chérubin la trouble, parce qu'il est amoureux. Elle est d'une sensualité rêveuse. Elle est légèrement dans la lune, comme les gens à la recherche de quelque chose à quoi ils refusent inconsciemment de donner un nom. Dans toute la scène avec Chérubin et Suzanne, celle où elle découvre que Chérubin lui vole des rubans pour les cacher sur son cœur, elle passe d'une gravité maternelle à l'amusement, à l'ironie, à la surprise d'être sensible. Le comte arrive et elle s'affole, se sent coupable. Elle l'est un peu, obscurément. Puis elle reprend avec beaucoup de courage la situation en main. C'est une jolie nature que cette comtesse, mais c'est aussi une nature tout court. C'est justement parce que c'est une nature que Beaumarchais est obligé de la défendre auprès des détracteurs de la pièce. Il l'a dit, la plus vertueuse des femmes par goût et par principe. Eh bien moi, je la crois vertueuse plus par principe que par goût. Mais les pères sont souvent animés d'une certaine partialité. Si miséricordieux à l'égard de sa comtesse, le même Beaumarchais sera d'une impitoyable sévérité pour Célimène, qu'il n'hésite pas à traiter de coquine. Elle est, dit-il, vicieuse par goût et par choix, veuve aguerrie, femme de cour, sans aucune excuse d'erreur et fléau d'un fort honnête homme. Pauvre Célimène qui n'a que 20 ans. N'en déplaise à Beaumarchais, j'ai moi de la tendresse pour elle. Célimène est l'incarnation de la jeune femme du monde, élevée pour le monde, dont Molière a, dit-on, pris modèle sur Mademoiselle de Rambouillet. Tout le monde sait cela. Image achevée de ce qu'une éducation parfaitement mondaine peut accomplir sur un être privilégié, Célimène est excellemment la jeune femme de haut rang qui sacrifie tout au décorum, à l'écorce de la vie. Elle est aussi excessivement civilisée qu'Agnès est excessivement inculte. Elle est intelligente, bien disante, libérée de nombreuses contraintes, car elle a été mariée. Elle est donc légalement émancipée. Elle est veuve, elle est donc sa propre maîtresse. Aucune entrave entre elle et la société. Elle est follement superficielle et coquette. Sa coquetterie étant un plaisir de l'esprit, une forme de snobisme. Elle semble complètement ignorer l'amour. Elle n'a encore ni cœur, ni sens, ou bien peu. Elle s'amuse. C'est une enfant gâtée, à qui on a donné un maximum d'armes et qui est heureuse d'en user en toute liberté. Bien que remarquablement accordée à son milieu, elle ne trouve sa valeur humaine que dans la mesure où Alceste l'a distinguée et dans celle où elle accepte de lui donner audience. C'est Alceste qui fait Célimène. Sans lui, le personnage serait assez banal et s'arrêterait très court. Alceste est un grand seigneur. Il rejette du monde où il gravite tout ce qui n'est pas de qualité. Mais cette qualité l'entête. Il est quelque peu paranoïaque, avec l'orgueil excessif que cela implique et le côté redresseur de tort parfaitement dérisoire qui le rend constamment touchant et comique et irritant à la fois. Il veut réédifier le monde de façon à le rendre conforme. Conforme à lui, bien entendu. Pourtant, c'est aussi le cœur, Alceste, l'immense cœur de Molière. Mais le cœur blessé, maladroit, chagrin et paradoxalement égoïste. Parce que son amour ressemble souvent à de la haine. C'est la sinistre passion sérieuse. Il manque terriblement d'humour. Molière, qui lui n'en manquait pas, l'appelle l'atrabilaire. Il se fait de la bile, Alceste, et Célimène fait tout pour qu'il s'en fasse. Pourtant, elle a besoin de lui, et elle le sait. Il l'intéresse énormément. La profondeur de sa passion l'intrigue et fait plus que la flatter. Sa curiosité est en éveil, et cela même signe l'échec du personnage bien avant le 5e acte. La curiosité est toujours fatale aux femmes, même aux femmes fatales. Pardonnez-moi ce mauvais mot. Elle est trop féminine pour ne pas être attirée par les qualités d'Alceste, toutes issues des vertus des vieux âges, donc puissamment viriles. Mais hélas, il ne sait pas rire. Et elle n'aime que rire. Quand, au cinquième acte, elle part, elle s'est laissée confondre comme une enfant. Je crois qu'il y a du courage, de l'honnêteté et du bon sens dans « La solitude effraie une âme de 20 ans. Je ne sens pas la mienne assez grande, assez forte, pour me résoudre à prendre un dessein de la sorte. » En effet, ce fou d'Alceste vient de lui proposer en toute simplicité de l'emmener dans un désert. Et je ne pense pas qu'il faille considérer qu'elle joue sa dernière carte quand elle dit « Si le don de ma main peut contenter vos vœux, je saurai me résoudre à serrer de tels nœuds. » Ce serait une manœuvre bien grossière. Elle vaut mieux que cela. Il y a plus de pudeur et d'élégance que de rouerie dans ces deux vers. Elle fait, me semble-t-il, un instant abstraction de son orgueil. Elle a perdu et accepte de perdre. Elle est fair play. C'est au cinquième acte, et dans le temps où elle est bafouée, que Célimène commence à devenir digne de l'amour que lui a voué Alceste, parce qu'elle commence à penser à lui et à être consciente de leurs enfantillages respectifs. Ce n'est sans doute qu'une toute petite lueur, dans un compact fatras d'égocentrisme, mais c'est une chance dont il a bien tort de ne pas profiter. Célimène est un personnage redoutable pour les femmes, car elle dit par deux fois au cours de la pièce qu'elle a 20 ans. Cécile Sorel crut avoir tourné un peu la difficulté quand, à 60 ans, elle prit la décision de transformer le texte. Et ce n'est pas le temps, madame, comme on sait, d'être prude à 30 ans, disait-elle. Même Cécile Sorel, l'éternel féminin, était gênée par l'insolence avouée de cette jeunesse de Célimène. Célimène devenue pourtant son alter ego. Il fallut que je passe par l'expérience enrichissante de la Parisienne d'Henri Beck pour oser prendre au col ce faux bon rôle qu'est Célimène. Je n'avais jamais eu conscience d'être une tombeuse, et la bourgeoise Clotilde, la Parisienne, m'avait révélé qu'avec un bon métier, de l'entrain et un peu d'imagination créatrice, on peut, même si on n'a pas le physique de Marilyn Monroe, mener les hommes par le bout du nez, avec la complicité toutefois, rassurez-vous messieurs, d'un grand auteur. J'abordais donc Célimène tard. Mon courage fut récompensé par le plaisir qu'elle me donna. Mis à part les premières représentations, car celles-ci furent très ingrates, désespérantes même. Je vous ai dit que c'est un faux bon rôle. Tous les comédiens s'accordent sur ce point. C'est un faux bon rôle, parce qu'apparemment, invulnérable, elle sort pourtant perdante, et aussi parce qu'il faut la dépouiller patiemment de sa cuirasse mondaine pour approcher sa vie intérieure. Il faut tout le temps lutter à contre-courant d'un texte terriblement écrit, et écrit pour qu'elle se montre sous un jour très superficiel. C'est sa gaieté qui m'a permis de forcer l'obstacle. Elle est devenue alors d'une grande sagacité et je me suis amusée avec elle des autres, mais d'elle aussi. Et je me suis mise à l'aimer pour sa pétillante jeunesse et son esprit. L'analyse que je vous fais ici d'Alceste et Célimène, bien qu'étant le résultat de réflexions vécues, n'en reste pas moins très succincte. C'est singulièrement réduire le poisson que de n'en montrer que l'arête. C'est un peu ce que je fais là. Le Misanthrope est une pièce semblable aux mines inépuisables. Molière y peint, avec un minimum de moyens, le mystère des rencontres humaines. Et l'acteur n'a jamais fini de creuser pour essayer de pénétrer au cœur de la fatalité qui préside à leur échec. Bien que la pièce soit traitée sans aucun romantisme, le misanthrope est un peu cette histoire infernale de l'homme et de la femme qui, comme Heathcliff et Cathy des Hauts de Hurlevent, sont condamnés à vivre à des niveaux différents et sur des longueurs d'onde toujours désaccordées. C'est ce qui rend si déroutante la sortie muette de Célimène au cinquième acte. Elle s'en va comme on s'évanouit, comme on meurt, comme on se rate, à un métro près. La comédienne se retrouve en coulisses, sans pouvoir faire de jonction avec une quelconque logique. Elle en est réduite, pour achever de vivre son rôle, à se dire qu'il y aura un sixième acte et qu'Alceste reviendra. En effet, il reviendra pour cette éternelle poursuite dont Molière savait qu'elle dépasse le cadre de l'œuvre dramatique parce qu'elle rejoint les grands mythes. Eh bien, lorsqu'ayant passé un peu 2 fois 20 ans, vous avez joué les plus grands rôles du répertoire et les autres aussi, vous vous réveillez un peu étourdi par la longueur du chemin parcouru. Vous vous regardez dans une glace et vous décidez, en accord avec tout le monde d'ailleurs, de jouer les mères. Mais les mères offrent bien peu de ressources aux comédiennes légères, alors qu'elles sont un très beau refuge pour les dramatiques. Shakespeare, Corneille et Racine ont admirablement pourvu l'emploi. Mais ni Molière, ni Marivaux, ni Beaumarchais, ni Musset ne leur ont fait la part belle. Elles sont sans passion. Et soudain le jeu semble, comme on dit, ne plus valoir la chandelle, car ce sont les passions qui vous ont intéressé. On est donc amené à faire le point. Jusqu'à présent, on a voulu jouer pour être autre ou plus que soi-même. Il est temps de jouer pour être mieux. Je reprends là une expression de Jouvet qui écrit aussi « L'acteur sent que l'œuvre qu'il joue est, non pas un état d'exercice, non pas seulement un moyen de séduction ou de succès personnel, mais le but même de sa vie. » C'est seulement alors, quand ayant dépouillé ses premières peaux de surface, celle de la jeunesse, de la beauté, des enthousiasmes sans grande réflexion, que peut se faire jour pour le comédien le sens profond du métier de théâtre. Une carrière se présente comme un vaste paysage qu'on peut regarder à vol d'oiseau. On découvre alors un patchwork, l'homme sous d'innombrables aspects. Et c'est très amusant, très émouvant, parce que c'est toujours l'homme. On a épousé pendant des années des centaines de douleurs, des milliers d'éclats de rire. On a ouvert avec plus ou moins de bonheur quantité de cœurs fermés que des auteurs inspirés avaient déposés là pour votre joie et vos tourments. On a parlé un français exemplaire, exceptionnel, un français que personne ne parle. On a essayé de faire vivre des entités qui ne demandaient qu'à prendre forme. Travail de sorcier, travail d'alchimiste. Le comédien transforme en or le pauvre alliage dont il est fait. Et ce sont les personnages, dont certains se sont haussés au niveau du type, qui lui en donnent le pouvoir. C'est là qu'apparaît très nettement que le comédien ne possède pas ses personnages, mais est possédé par eux. C'est probablement cette notion de possession qui a rendu suspect le comédien, à l'époque où la sorcellerie était crainte, et qui pourrait bien être, en partie, à l'origine de sa proscription par l'Église. Il est certain que Mounet Sully, par exemple, faisant 100 mètres de couloir pour prendre son élan avant d'entrer en scène et hurlant la douleur d'Édipe qui vient de se crever les yeux, aurait frappé de stupeur et d'effroi un spectateur non averti, égaré dans les coulisses. Celui-ci n'aurait pas été plus inquiet devant les mystères du culte vaudou. Ce sont des drôles d'animaux que ces comédiens, dit Molière. Il était bien placé pour le savoir. Le comédien est au départ un écorché vif qui, comme beaucoup de gens, ne s'aime pas, dans la mesure où il s'aime trop. Il brûle de se réconcilier avec lui-même. Il est, je crois, très égocentrique. Et ses premières démarches dans le métier se situent au niveau de l'hypertrophie du moi. Ce n'est qu'après de longues années de pratique, s'il a la sagesse, ou tout simplement le bon sens, de ne pas se prendre pour les héros qu'il incarne, qu'ayant contracté l'habitude de s'oublier à leur profit, il trouve une sérénité dans la notion du relatif que lui a apporté la multiplicité des formes qu'il a su revêtir. Il est mûr alors pour se détacher de lui-même et aborder un répertoire qui ne fait plus appel à la séduction personnelle. On peut se chercher indéfiniment dans le répertoire dramatique. Partout on se trouve et partout on peut se chercher encore et se trouver encore. C'est, comme dit Stanislavski, s'aimer plus dans un rôle qu'aimer le rôle en soi. Quand on a longuement démonté les passions, on se prend à beaucoup moins y croire et à considérer le jeu de la vie à la fois avec plus d'ironie et plus d'amour. Un amour fait de pitié pour la condition humaine. On se rend compte à quel point le théâtre est vaste, empiétant sans cesse sur le monde. Et on commence à souhaiter tourner gentiment en dérision ce à quoi on a un peu sottement cru. Avez-vous remarqué, dit Stanislavski, que les acteurs et ces actrices, qui ne tiennent pas à jouer des personnages différents d'eux-mêmes, ceux et celles qui se jouent leurs propres personnages, aiment à apparaître sur scène comme des créatures belles, bien nées, bonnes et sentimentales. Et avez-vous remarqué au contraire que les acteurs de composition aiment à jouer des rôles de coquins, d'individus grotesques, difformes? C'est parce qu'ils trouvent dans ces rôles des possibilités plus riches, des silhouettes plus découpées, une palette plus colorée, un modelé plus hardi et plus vif des images. La composition d'un personnage, quand elle s'accompagne d'une transposition authentique, d'une sorte de réincarnation, est une grande chose. Et puisque ce qu'on attend de l'acteur, quand il monte sur le plateau, c'est cette création d'une image authentique et non l'exhibition d'une personnalité particulière, il est nécessaire que chacun d'entre nous devienne capable de le faire. Pour ma part, j'ai, dès le départ, aimer jouer sur les deux tableaux, cultivant parallèlement les femmes belles, bien nées, bonnes et sentimentales, comme dit Stanislavski. Il faut bien, n'est-ce pas, sacrifier au narcissisme de la jeunesse et profiter des charmes de cette jeunesse. Et essayant de créer tout d'une pièce des images authentiques, préservant ainsi mes vieux jours et bien décidé à ne pas imiter le renard de la fable. Non, je ne dirais pas « ils sont trop verts et bons pour des goujats », je dirais tout simplement « je suis trop mûr ». On ne fait pas du théâtre pour échapper à la lucidité. Ma première tentative furcatos, des précieuses ridicules. Touchag, qui avait dessiné décors et costumes, avait supposé avec Robert Manuel, qui nous dirigeait, que ces demoiselles arrivaient en scène après avoir préparé des pommades de beauté. Nous avions, Micheline Boudet et moi, les mains gantées et les gants couverts de rouge, de bleu, de blanc, de vert. J'imaginais alors de me promener comme les demoiselles fenouillards, l'avant-bras tendu vers le ciel et la main mollement accrochée au bout. Je crois que tous les Français bien nés, ayant fait, enfants, leur délice des aventures de la famille Fenouillard, retrouvaient obscurément le souvenir de la silhouette plaisante et stupide d'Artémise et de Cunégonde. J'ai fait naître là une petite tradition. Comme les répliques de Cato sont plus que réduites, je mis à profit le précepte qu'il est encore plus important au théâtre d'écouter que de parler. Et je fis éclater dans mon attention soutenue et laborieuse l'incompréhension totale que j'avais des propos tenus par Mascarille, qui ne sont d'ailleurs que grossiers galimatias. Cela donna à mon silence une remarquable efficacité, dont je fus étonné moi-même. Je devais user du même procédé plus tard dans Belize, cette sœur vieillie des précieuses qui, comme celle-ci, a été bercée dans sa jeunesse par les romans échevelés de Mademoiselle de Scudéry. Belize. Me voilà revenue 20 ans, 30 ans après, dans la famille de Crisale. Belize est d'une sottise grandiose. Passionnée de Philaminte, elle fait tout comme elle de la philosophie. Folle de son corps, elle a tout sublimé, et elle renonce avec grandeur et enthousiasme à toutes les passions qu'elle croit faire lever autour d'elle. C'est un personnage fantastique. Ingénuité, candeur, excitation, démence se côtoient en elle. Elle aurait été un remarquable sujet pour Freud. Elle voit des clochers dans la lune, quel symbole! Et elle avoue, sans savoir ce qu'un esprit animé d'un certain sens pervers de l'interprétation pourrait en conclure. Je m'accommode assez pour moi des petits corps, mais le vide à souffrir me semble difficile, et je goûte bien mieux la matière subtile. Ah, ce terrible Molière! Voyez-vous comme c'est amusant de rire. Au théâtre, on ne brûle pas ce qu'on a aimé, on le transforme. Tous les sentiments rencontrés au cours d'une carrière ont leur double dérisoire, leur version caricaturale. Ce qui est important quand on bifurque vers les personnages de composition, c'est de les aimer d'autant plus qu'ils sont ridicules ou laids ou sots ou méchants. Plus que tout autre, un rôle de composition est une création, et il n'y a pas de création sans amour. La création d'un personnage doit se faire à l'intérieur. Même si des oripeaux aident à le situer, à le fixer dans une personnalité très éloignée de celle de l'interprète, celui-ci doit l'écouter vivre en lui et se l'assimiler aussi intimement que possible et l'absoudre. Dans le temps où l'acteur fusionne avec ce qui peut apparaître comme un déchet de l'humanité, il doit se défendre d'un jugement sarcastique. C'est d'ailleurs une règle générale absolue au théâtre. Il ne faut jamais se croire plus fort ou plus malin qu'un personnage. Il ne faut en tout cas jamais le laisser paraître. En ce qui concerne par exemple un personnage comique, entendre finesse à ses propos est un moyen radical de manquer tous ses effets. Si l'acteur tient à avoir l'air intelligent, la niaiserie de ses répliques sera complètement inefficace. L'intelligence consiste donc à accepter d'avoir l'air idiot, ce qui est souvent vrai aussi dans la vie. C'est l'indulgence et autant que possible la tendresse que l'interprète lui porte qui rend une ganache, ou un débile mental, ou un fiéfé coquin, humainement émouvant. Peut-être regretterez-vous que j'ai parlé presque exclusivement d'un répertoire classique. c'est avouer hautement pour lui ma prédilection. Peut-être, un jour de tristesse, j'écrirai sur la biche Phédo, qui mourt tout au long de ma carrière, dispensée de merveilleuses distractions. Confidentiellement, je vous ai promis au début de notre entretien d'employer le mot confidentiel. Je vous dirai, des amis m'ont conseillé d'être brève. Elles m'ont inculqué ce principe. Il vaut mieux qu'on vous dise, comme ça a été court, que c'était un peu long. Connaissez-vous le mot de Guitry ? Elle bâillait devant moi. Je lui ai dit « bye bye ». Pour éviter que nous en arrivions à cette extrémité, sans plus attendre, je vous dirai « au revoir ». À travers tout le développement de l'art, la note masculine domine. Dans ce domaine, la femme est l'élève de l'homme et, par conséquent, au second rang. Cet état de choses durera jusqu'au jour où l'une d'elles révélera l'élément féminin dans l'art et le développera. Dans deux branches de l'art, dans l'art dramatique et la chorégraphie, c'est déjà un fait accompli. Là, la femme peut être elle-même. Et là, elle a atteint le sommet de son épanouissement. Permettez-moi de vous dire qu'il est très agréable de s'entendre confirmer par un spécialiste de la psychologie des profondeurs l'opinion qu'on a du métier de comédienne.